La meilleure petite est celle qui libère. Alléluia, amen. Joli homme, on m'attaque Simba on Yolande, Babola Mongo, Manyaki Sane Kumbui, Babola Malaya, Osima Sengae, Wamobu Pelonga Longa, Nateno Bindea. Mataki Semba Onyolande, Mabola Mongo, Manyaki Sane Kumbui, Babola Malaya, Usima Sengae, Wamogu Pelunga Longo, Nateno Bindeae. Édition Moussa Hissam, la ceinture au-dessus de la classe. Haut de garde. Victorien Essono, élément moteur du Dibasoban international. Henri Doubel, le capitaine, 5 sur 5. Heba, heba, heba. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Mon ami Jean Lambert me posait la question. Tout ma somona, tout ma bon, tout ma mort, tout ma musinga. Tout maman moussinga, tout maman a tous, tout maman. Yetena wando pelonga la mia mumi tout maman moussinga na wa, tout maman moussinga. Arata tuta ta tuta tuta tuta tuta arata. Pour la paix, oh oh oh oh, Naïma pour la paix. la paix. Balancez, balancez, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Yom samona, yom samona, yom samoka, manidada. Wana mona, wana mona, wana moka, tomedi. Yom samona, yom samona, yom samoka, manidada. Wana mona, wana mona, wana moka, tomedi. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche.